Chapitre 9. L'humiliation de l'Angleterre. L'Angleterre, inquiète de ce qui venait de se passer aux États-Unis, pressentant qu'un jour son tour viendrait sans doute, avait commencé auprès des puissances, ainsi que le président du Conseil l'avait dit à Escander, une série de démarches qu'elle estimait pouvoir rester secrètes, ce en quoi elle se trompait beaucoup. Il s'agissait, en l'espèce, d'un accord, d'une sainte alliance entre toutes les nations du monde, afin de lutter à outrance contre la mystérieuse association. Toutes les forces armées et de police des puissances adhérentes seraient mises en jeu contre les terribles Rajisrak. La réponse des redoutables destructeurs ne se fit pas attendre. On en était encore aux préliminaires d'une conférence internationale, quand, un samedi, à midi, au moment où Londres est le plus animé, un nuage de petits tracts tomba soudainement du ciel, et, décrivant des courbes capricieuses, voltigeant çà et là, s'abattit sur la capitale anglaise. L'avertissement était laconique. Chaque rectangle de papier portait en haut deux triangles opposés l'un à l'autre. L'un avait la pointe en bas et était bleu, l'autre la pointe en haut et était rouge. Au-dessus, on lisait ces lignes imprimées en excellent anglais. « Il est donné 2 jours à l'Angleterre pour abandonner toute idée d'un accord international contre les maîtres du feu et de la glace. Le même délai lui est départi pour payer la rançon de 100 millions. Chaque heure de retard augmentera la somme de 10%. Rajisrak. » La stupeur, l'affolement furent immenses. À Paris, la nouvelle parvint dans la matinée. Escander, aussitôt informé, se rendit au Monde, où il se doutait bien qu'il était attendu. En effet, le sauteur le fit aussitôt appeler. « Vous allez filer sur Cherbourg. Vous y prendrez place à bord de mon yacht, l'Hirondelle, dont le capitaine est prévenu et vous attend. Vous irez voir ça de près. Filez, mon vieux, vous n'avez pas une minute à perdre. » Cependant, Escander perdit 1 heure. Il voulait aller dire au revoir à Germaine, mais la jeune fille manifesta, dès le premier mot, sa volonté d'accompagner le reporter. Elle fit valoir de telles raisons, de si puissants arguments, que le journaliste se laissa convaincre. Le but du déplacement fut caché à Madame Laurière, et, à 3 heures, les 2 jeunes gens prenaient le rapide. À Londres, l'opinion publique savait que partout où les Rajisrak avaient porté leurs terribles menaces, les gouvernements s'étaient trouvés impuissants à réagir, et que partout, l'armée, la police, la science humaine avaient été vaincus. Il en résulta une panique et un exode en tout point semblable à ce qu'on avait déjà vu. La sommation s'abattit sur l'Angleterre au moment où, à l'issue des grandes manœuvres navales, le roi s'apprêtait à passer la revue de la flotte, entrée dans l'immense rade de Portsmouth. Toutes les nations étrangères étaient représentées. On remarquait le yacht somptueux du Raja Tokra Dazipal, dont le propriétaire était venu rendre aussi hommage à son suzerain, le roi d'Angleterre. Mais ce yacht était mouillé très loin de la flotte. Nous devons, à la vérité, de dire que si partout sur le sol anglais la crainte établit son empire, il n'en fut pas de même à bord des unités de la flotte. La nouvelle arriva par TSF, et dans les carrés des officiers, comme dans les batteries basses où se tiennent et dorment les équipages, la quiétude ne fut pas un instant troublée. Chacun, à bord du vaisseau amiral, aussi bien que dans le plus petit des sous-marins, et depuis Sir Hastings, Lord Amiral, jusqu'au dernier des soutiers, se disait que la mer était le meilleur refuge, et que là, du moins, on serait spectateur à bon compte du désastre annoncé. Mais nous devons ajouter aussi que tous se sentaient dans la poitrine un cœur disposé à combattre jusqu'à la mort ce lâche ennemi qui ne se montrait jamais. Cependant, au soir du premier jour de délai, l'amiral donna des ordres spéciaux en vertu desquels les pièces de gros et moyen calibre furent pointées vers le ciel selon le plus grand angle qui leur était permis d'atteindre. La moitié des équipages devait veiller pendant que l'autre moitié dormirait. Enfin, la flotte devait rester immobile sur ses ancres. Les feux furent couverts et le silence et l'ombre enveloppèrent peu à peu ces masses immobiles, forces sournoises qui bientôt furent toutes vêtues de nuit. Dès les premières heures de la nuit, les grands dirigeables anglais quittèrent leur hangar et s'élevèrent silencieusement. Avis avait été donné à la population de pourvoir à sa propre sécurité. Toutes ces mesures prises, le roi, qui avait atteint un âge avancé, fit annoncer que, contrairement au bruit qui y avait couru, ni lui ni les siens ne quitteraient le palais de Buckingham et que la revue de la flotte aurait lieu. Le vieux monarque s'était souvenu qu'au temps où il était prince de Galles, héritier du trône et tout jeune, il avait connu dans les plaines de l'Artois des heures aussi graves que celles qui se préparaient, et que cela ne l'avait jamais fait pâlir. À bord du super dreadnought Plankton, le midshipman E. Smith s'était enfermé dans sa cabine avec de quoi confectionner quelques whisky soda, y compris un seau d'argent renfermant un assez joli morceau de glace. Puis, ayant fermé son hublot et s'étant mis à l'aise, car il faisait une chaleur atroce, il commença d'écrire une longue lettre à sa fiancée, Miss Mary Fairbank, dont la grande photographie illustrait la muraille métallique au-dessus de la petite table où il écrivait. « Chère Mary, j'espère que le grand branle-bas vous a laissé froide, mais que cependant vous avez mis votre précieuse petite personne à l'abri dans le joli cottage de vos parents, et que la curiosité, la vilaine curiosité, ne vous a poussé ni les uns ni les autres jusqu'à Londres. Il y a tout lieu de croire que les maîtres qui se font annoncer avec tant d'insolence ne viseront pas spécialement le comté où vous êtes, et que leurs méchancetés s'acharneront ailleurs, j'espère, si nous n'y mettons ordre. Nous avons appris que le roi entend rester à Londres. C'est un chic type. Pour nous, les ordres sont ceux-ci. Demi branle-bas de combat, tout feu éteint, mais l'œil ouvert. Pour l'instant, je suis dans ma cabine, sous le regard charmant de votre photographie, hublot fermé, et Dieu sait quelle chaleur en vous écrivant. Tous les canons à bord de toutes les unités de la flotte sont prêts à tirer. Dès le premier signal, ils enverront des centaines de mille kilogrammes d'acier et d'explosifs à l'adresse de ces nouveaux martiens. Car c'est curieux, au lieu de prendre les choses au tragique, je m'imagine que le livre de notre Wells se réalise et que le terrible rayon vert va nous faire sauter les uns après les autres. En somme, je considère cela comme une rêverie après la lecture d'un livre suggestif. Heureusement, nous n'avons encore affaire qu'à des bandits, vulnérables comme nous-mêmes et qui sont en chair et en os, ce qui fait que je voudrais bien les voir. D'ailleurs, je crois qu'on leur prête plus de puissance et plus de génie du mal qu'ils n'en ont réellement. Je vous reparlerai de cela demain soir, chère petite chose aimée. Pour l'instant, le premier quart après minuit vient d'être piqué et je vais dormir. Soignez-vous bien, Mary. Songez que vous êtes toute ma vie. À demain. Je vous aime, comme on dit en français. Le midship E. Smith, qui n'aimait pas beaucoup écrire, fût-ce même à sa fiancée, serra la lettre commencée, tourna le bouton de sa lampe, ouvrit le hublot, et continua de se déshabiller dans l'obscurité. La nuit était splendide, toute constellée d'étoiles. Il traînait sur la mer une lueur sur laquelle se détachaient les masses sombres des grands cuirassiers. Tout cela inspira à Smith une très grande confiance, et il s'endormit, rêvant doucement à la gentillesse de Miss Mary. Depuis combien de temps dormait-il? Il n'en eut aucune idée quand une vive sensation de froid le réveilla. D'un geste machinal, il ferma le hublot et allait reprendre son somme, quand la même sensation, plus aiguë, le ramena à l'état de veille. « Diable, pensa-t-il, j'ai pensé quelque chose. » Il se leva, alla à la caisse où étaient pliées les couvertures, les étendit sur son lit et se recoucha. Mais le froid continuait de le pénétrer. « Je ne peux pourtant pas aller réveiller le docteur, c'est idiot !» N'y pouvant tenir, décidément, il se leva, voulut faire sa toilette, d'ailleurs le jour allait naître. Mais comme il voulait verser le contenu du broc dans la cuvette, il constata que rien ne coulait. L'eau était gelée. Il resta là, béant de stupéfaction, n'en croyant pas ses yeux. Il plongea la main dans le récipient. Le doute n'était plus permis. Il jeta un regard par le hublot, jugea que la nuit était devenue très noire. Enfin, il enfila rapidement ses vêtements. Tout à coup, une idée lui vint. N'y aurait-il pas eu un accident à l'installation réfrigérante du bord, et sa cabine n'aurait-elle pas été transformée en frigorifique? Cette idée l'amusa un instant. Quel sujet de conversation il allait avoir lorsqu'il raconterait avoir passé une nuit délicieusement fraîche à ses camarades, que la chaleur étouffante devait avoir empêché de reposer, mais cet accident possible pouvait avoir des conséquences graves. Il allait donc aller s'en rendre compte. Aussitôt, croyant avoir trouvé la raison du phénomène, il se précipita sur le pont comme un fou. Dès qu'il eut entrouvert la porte de sa cabine, il fut fouetté au visage par les mille piqûres d'un froid noir. Il ne rencontra personne et monta sur le pont, mais au premier pas qu'il fit, il glissa des deux pieds et tomba sur le dos, continuant sa glissade jusqu'à un cabestan qui, heureusement, l'arrêta dans sa course inattendue. En jetant les yeux autour de lui, et toujours sur le dos, il aperçut les superstructures, les appareaux, les cordages d'acier, les fils et les antennes de la TSF, couverts de givre. Péniblement, il se remit sur pied en s'agrippant au cabestan et aperçut sur la hanche de tribord un groupe d'officiers qui se tenaient cramponnés à la rambarde. L'un d'eux lui cria « Hello, Smith, elle est bonne, hein ?» Mais Smith ne trouvait dans tout cela rien d'extrêmement comique. Avec des précautions inouïes, il se mit en route pour rejoindre le groupe d'officiers au moment même où une équipe de matelots jetait de la cendre sur le pont. Grâce à cette manœuvre, une stabilité plus grande s'offrit au pas de tous. Poussé par la curiosité, Smith abandonna l'idée de rejoindre les officiers et, enjambant les échelles, il parvint à la passerelle où il s'arrêta, essoufflé, gelé. Le commandant venait d'arriver. Il regardait, entouré de son état-major, cette mer dont les vagues ne battaient plus, rythmiques, les flancs de son navire. Le jour montait peu à peu et découvrait lentement un décor polaire, un décor prodigieux, et tel que les yeux n'en avaient jamais contemplé de pareil sous la même latitude. La mer était glacée, lisse par endroits, tourmentée en d'autres par suite de la pression qui, brisant les glaçons, avait fait accumuler ceux-ci les uns sur les autres, et de ce chaos émergeaient les fiers et beaux navires anglais, mais des navires tout blancs, méconnaissables, d'un aspect fantastique. Si au-dessus de la flotte s'étendait un épais nuage gris sombre, là-bas, 2 ou 3 milles en avant et en arrière des unités, le soleil d'août brillait, et tout autour de l'immense glaçon qui emprisonnait les forces vives de l'Angleterre, la mer libre déferlait brutalement contre cet obstacle. Le spectacle était unique, admirable. Il était contemplé par tous les équipages maintenant sur les ponts. Mais l'admiration fit vite place à un sentiment angoissant, indéfinissable. La grande flotte britannique était bloquée par les glaces, en plein été, en rade de Portsmouth. Cela dépassait toutes les imaginations, et de tous les dangers prévus, c'était le seul auquel on n'eût pas songé. Un pavillon monta au mât de signaux du vaisseau amiral. Le signal fut répété par chaque unité. Immédiatement, les tambours et les fifres éclatèrent en sonneries joyeuses à bord du plancton. L'équipage déferla une minute sur le pont, des panneaux se fermèrent, il y eut des bruits sourds de machines en marche, des cheminées se mirent à vomir d'épaisses fumées qui obscurcirent encore le ciel. On entendit des cabestans à vapeur lever les ancres afin de fendre la couche glacée, mais quand ils eurent développé toute leur puissance, il fut avéré que leur traction était insuffisante. Le branle-bas de combat venait de sonner. Le combat? Contre qui? Sur quel ennemi allait fondre la fureur belliqueuse anglaise? Nul n'en savait rien, ni celui qui commandait tous ses mouvements, ni ceux qui les exécutaient. On commandait, on obéissait pour faire quelque chose, pour sauver l'honneur. Sur tous les bâtiments de l'immense flotte, les mêmes choses devaient se passer. Au mât du vaisseau amiral, un second signal monta. Immédiatement, à bord du plancton, des coups de timbres impérieux retentirent dans les tourelles, dans les batteries. Il se passa ensuite 2 ou 3 secondes d'imposant silence. Puis, en une clameur immense, toutes les pièces à longue portée firent feu, avec un tel ensemble sur toutes les unités, que l'atmosphère fut ébranlée et que ce bruit formidable fut entendu jusque sur les côtes du Cotentin. 3 fois cette salve fut répétée, sans résultat très appréciable. On remarqua néanmoins à la seconde bordée que dans la sorte de chape de couleur plombée qui planait sur la flotte, une sorte de déchirure se fit, par laquelle passa un rayon de soleil. Mais à peine 20 minutes après qu'elle se fut produite, cette déchirure parut comblée, et de nouveau le ciel, uniformément obscurci au-dessus de la flotte, déversa un froid terrible qui causa la mort de nombreux marins. Les dirigeables envoyés de partout apparurent, mais dès qu'ils entrèrent dans la zone frigide, leurs hélices s'arrêtèrent et ils s'en allèrent à la dérive. On en conclut avec juste raison que leurs carburants et leurs huiles avaient été gelés. Toute la journée se passa en lancement de marconigramme entre Londres et le vaisseau amiral. Mais Londres, copieusement fournie de nouvelles, n'accepta d'abord qu'avec beaucoup de scepticisme ce que, d'heure en heure, les journaux jetaient à sa curiosité passionnée. La mer gelée, au mois d'août, cela vraiment tenait de l'invraisemblable. Cependant, il fallut se rendre à l'évidence, puisque tous ceux dont le métier ou le devoir était de renseigner la population étaient unanimes. Beaucoup de Londoniens qui possédaient des voitures automobiles rapides voulurent aller jusqu'à Portsmouth s'admirer le spectacle, mais dans la crainte d'autres événements plus redoutables, on arrêta les visiteurs aux limites de la ville et un cordon de troupes défendit l'accès des falaises. Un marconigramme lancé à midi d'un point inconnu informa le premier Anglais que la première partie du délai était écoulée et que désormais la rançon était de 110 millions. La Chambre des Lords, qui siégeait en permanence, ainsi que la Chambre des communes, invitèrent, pour éviter d'autres catastrophes, le gouvernement à s'incliner. Ainsi l'Angleterre, l'orgueilleuse Angleterre, se voyait vaincue sur son véritable domaine, la mer. Désormais, plus que toute autre puissance du continent, elle se trouvait menacée. Qu'il plaise à ces bandits inconnus et redoutables de l'isoler dans une ceinture de glace, la chose était possible, il voulait de le démontrer. Et l'Angleterre se trouverait réduite à vivre de son sol, c'est-à-dire à périr de faim. À son tour, elle s'inclina et se soumit aux exigences de l'énigmatique association des Rajisrakes. Le lendemain, le soleil brillait sur l'immense rade. La revue fut passée, mais ce fut comme une revue funèbre. L'humiliation pesait sur le front de l'Angleterre. Ne se fiant plus désormais aux moyens de communication connus, et surtout à la télégraphie et au téléphone sans fil, elle rétablit ses courriers d'ambassade, et le lendemain, elle en expédiait vers tous les gouvernements du monde civilisé. L'Angleterre n'était pas vaincue sans idée de revanche. Plus tard, comme on commenta les détails de la catastrophe, on se rappela que le yacht du Raja Tokradazipal avait bravement fait son devoir en dirigeant contre le ciel obscurci le tir de ses petits canons. Germaine Laurière, à côté d'Escander, sur le pont de l'Hirondelle, avait dit au jeune homme « La découverte de Jacques Lambert peut produire des effets semblables ».